Placide Niyomungere. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois, chers auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue dans cette édition à langue française, dont voici les principaux titres. Une crise à oublier, l'interdiction des droits civils et sont certaines des peines qui ont été prononcées ce samedi par le tribunal de grande instance de Makamba contre un agent de police accusé de viol d'haine d'une fillette de 6 ans. Vous nous aurons les détails tout de suite avec notre correspondant basé à Makamba. Et les Burundais sont appelés à se réconcilier pour avoir une vision commune d'un pays émergent en 2040. Propos du président du Conseil national pour l'unité, c'était ce samedi, après 33 ans de la charte de l'unité nationale au Burundi. Mais un professeur d'université, Jean Bosco Manilambona, trouve que l'unité nationale devrait avoir une trajectoire allant du peuple aux échelons supérieurs. Et des propriétaires des parcelles dans des quartiers urbains non viabilisés sont obligés de laisser des espaces pour les travaux de construction des routes afin de permettre la perméabilité dans des quartiers. C'est un rappel de l'administrateur de la commune Ibn Do Umura qui prédit des sanctions contre ceux qui passent outre la loi. Et nous aurons également quelques nouvelles de Lumonge où certains quartiers de cette ville font face au manque d'eau potable depuis 3 jours au niveau de la régie des eaux. L'on indique qu'il s'agit d'un problème qui a été causé par des crues de la rivière Dama. Voilà pour le sommaire. Une peine à perpétuité, l'interdiction des droits civils et une indemnité de 5 millions de francs burundais sont certaines des peines qui ont été prononcées ce samedi par le tribunal de grande instance de Makamba contre un agent de police affecté sur la position basée sur la colline Zimbi au commissariat communal de Kiwago dans la province de Makamba. Il a été accusé d'avoir violé une fillette de 6 ans alors qu'il était déjà séropositif dans le procès de flagrance. L'accusé a rejeté toutes les charges et a plaidé non coupable. Le point avec Érisé Cuiser. Dans ce procès de flagrance de ce samedi, le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Makamba a acquisé Nimai Pacifique, un agent de police Evra Ajimbi, au commissariat communal de Kiwago, d'avoir violé une fillette de 6 ans sur la colline Jimbi en date du 27 janvier de l'année courante, alors qu'il était déjà séropositif. Malheureusement, la mère a constaté que sa fille aurait été violée et contaminée plus tard le 30 du même mois. Bien que les examens médicaux prouvent sa séropositivité, Nimaye a rejeté l'idée selon laquelle c'est bel et bien lui ayant contaminé la fillette en question, soi-disant séronégatif. Devant le substitut du procureur et les magistrats assis, il n'a jamais plaidé coupable. Lui et son avocat ont demandé de refaire l'examen pour voir si celui-ci atteste réellement sa séropositivité, mais en vain. Ainsi, il a été condamné à une peine à perpétuité, l'interdiction des droits civils et de famille. En plus de cela, il sera présenté au public et va indemniser la mère de l'enfant de 5 millions. Entre-temps, son compte ouvert à la COPEC sera géré par la mère de l'enfant victime jusqu'au 3 mars, à côté des 2 hectares de champs de maïs qui seront aussi récoltés par la même mère. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci à Élisée Kwizera. Les Burundais sont appelés à se réconcilier pour avoir une vision commune d'un pays émergent en 2040. Il s'agit d'un appel du président du Conseil national pour l'unité nationale ce samedi lors du lancement de la semaine dédiée à l'unité nationale et la réconciliation 33 ans après la charte de l'unité nationale au Burundi. Deogracia Sinsanganyumwami précise que désormais, la semaine du 31 janvier au 5 février sera dédiée à l'unité nationale. Suivez. L'unité entre Burundais existait déjà depuis nos ancêtres. Mais avec l'arrivée de la colonisation, cette unité a chuté. Les Burundais, sous la période coloniale, ont été divisés en groupes ethniques qui se rivalisent. Et cela a provoqué même des tueries. ce qui a fait que beaucoup de Burundais soient expulsés à l'étranger. Pour le moment, il est nécessaire que l'unité nationale soit renforcée, qu'il y ait de l'unité entre tous les Burundais, les pauvres et les riches, les grands et les petits, entre Burundais vivant à l'intérieur et ceux vivant à l'étranger. Que cette unité soit également consolidée entre les partis politiques et les confessions religieuses, et dans d'autres secteurs de la vie non cités ici. L'unité est en effet la pierre angulaire de la paix et du développement durable, comme souhaité par le président de la République. Au sein de notre conseil, nous ne ménagerons aucun effort pour consolider cette unité nationale. C'était Deo Gracias Nsangani Umwami. Il est président du Conseil national pour l'unité nationale au Burundi, traduit en français par Léonce Bitaliho. Et dans son exposé, le professeur de l'université Jean Bosco Manirambona estime que l'unité effective devrait partir du niveau bas ou du peuple vers les échelons supérieurs. Il rappelle que se réunissent ceux qui sont en conflit ou ceux qui ont eu des accrochages. L'élément n'est pas disponible, on y reviendra dans nos éditions ultérieures. Et pour rappel, la journée dédiée à l'unité nationale au Burundi est célébrée le 5 février de chaque année. Et les propriétaires des parcelles dans les quartiers urbains non viabilisés doivent savoir qu'ils sont obligés de laisser des espaces pour les travaux de construction des routes afin de faciliter la circulation. Il s'agit d'un appel lancé par l'administrateur de la commune Mouha, mairie de Bujumbura. De Votin Daïsenga regrette qu'il y a des personnes qui font sourde oreille et se permettent de construire pendant la nuit. Toutefois, il est précisé que des sanctions sont prises contre les personnes considérées comme des récalcitrants. Suivez-la, traduite en français par Lydie Gahimbali. Abubaka na cyane cyane mu makartier ari non viabilisé twobasaba yuko bokumvikana bagasiga ibarabara umwe gatanga metero. Les propriétaires des maisons construites surtout dans les quartiers non viabilisés doivent s'entendre et laisser quelques mètres destinés aux routes qui servent des voies de communication. Il y en a qui construisent des maisons au bord des rivières et n'acceptent pas également de respecter cette mesure. Ils doivent comprendre que les temps ont changé. On ne transporte plus les gens comme dans le passé. Il faut laisser le passage pour l'ambulance. Que ceux qui ne respectent pas la loi en érigeant des maisons tout près des rivières sachent également qu'ils s'exposent aux sanctions. On le dit chaque fois dans des réunions tenues avec la population de différents quartiers, mais les gens travaillent même pendant la nuit, 2h, 3h du matin. Nous les appelons à découdre avec cette mauvaise habitude pour faire des choses qui respectent la loi. Si des responsables de tout cela sont connus, on leur inflige des sanctions. J'envoie les autorités à la base pour détruire ces constructions, car ces derniers sont pris pour des récalcitrants. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous suivez toujours la radio Isanganiro qui émet depuis Bujumbura, c'est l'édition en langue française. Et certains quartiers de la ville de Rumonge font face au manque criant d'eau potable depuis 3 jours. Les personnes concernées par ce problème, y compris les élèves internes du lycée Rumonge, obligés de se rabattre aux eaux du lac Tanganyika, demandent une intervention urgente de la régie des eaux. Au niveau de la régie des eaux centre Rumonge, l'on informe qu'il s'agit d'un problème qui a été causé par les crues de la rivière Dama et a endommagé le réseau hydraulique et que les préparatifs sont en cours pour renormaliser la situation de Rumonge. Jean-Pierre Misako. Au robinet qui tarit le dernier en cas de rupture d'alimentation en eau potable au lycée Rumonge, où certaines personnes s'étaient présentées pour demander de l'eau potable ce samedi matin, aucune goutte d'eau depuis ce vendredi matin. Ailleurs, dans les quartiers de Rukinga, Gihwanya et Mugomere, tous se branchés sur le réseau hydraulique franchissant la rivière Dama au niveau de Mitondo, ces 3 jours et plus, sans être alimentés en eau potable. Les élèves du lycée Rumonge, les autorités de cette école et les habitants de ce quartier, obligés désormais de se rabattre aux eaux impropres du lac Tanganyika, demandent l'intervention de la régie des eaux avant qu'ils ne soient victimes des maladies des mains sales. À ce sujet, le responsable de la régie des eaux, Santé Rumonge, dit que la zone où la rivière Dama a emporté le tuyau la traversant vers ce quartier à partir de la commune Burambi nécessite assez de préparatifs pour reposer le tuyau, des préparatifs qui, selon lui, sont en cours. Entre-temps, le camion extincteur de la police de protection civile qui aidait dans la fourniture de l'eau potable au lycée Rumonge dans ce genre de situation est actuellement en panne, selon des sources policières. Alors que l'encadrement des élèves dans ce cas devient difficile, même les cours sont perturbés, notamment des enseignants qui devraient prester ce samedi, mais qui ont dû reporter leurs leçons, les élèves étant occupés par la recherche de l'eau dans le lac Tanganyika. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de Rumonge. Nous allons dans la province de Bubanza où les riziculteurs se lamentent suite à une maladie dite pilcularyose qui menace ces derniers jours des plantations rizicoles. Ils demandent aux responsables agricoles de tout faire pour limiter la propagation de cette maladie. Et à la direction provinciale de l'agriculture et l'élevage à Bubanza, l'on explique que cette maladie est causée par une mauvaise application d'engrais chimiques et que ce problème devrait plutôt être résolu par l'usine FOMI en collaboration avec le ministère et en charge de l'agriculture de Bubanza, correspondance de Spescarita Sekabanyan. Certains riziculteurs se lamentent de l'état de leurs exploitations suite à la pilcularyose, une maladie qui se manifeste par des feuilles de riz qui jaunissent et se sèchent par après sans qu'il y ait des graines dans les épis. Et les cultivateurs craignent que les productions vont chuter. Ils demandent aux responsables agricoles de leur venir en aide afin d'arrêter la propagation de cette maladie. Ce mercredi, en commune Manda, dans une réunion qui a été organisée par l'association MAC, Ministère des Africains de Compassion, en collaboration avec l'usine de production des engrais chimiques et FOMI, les représentants des églises ont également soulevé ce problème et le directeur de la filière socio-vulgarisation à la DPA, Ubanza, a expliqué que cette maladie est causée par la mauvaise application d'engrais chimiques. Jean de Dieu Mbonikaba a précisé également que la socio-vulgarisation se fait conformément à la réglementation et que la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage ne peut rien changer pour le moment. Il demande que l'usine FOMI et la direction chargée de la fertilisation des sols au ministère de l'agriculture saisissent cette question pour trouver une issue favorable dans l'intérêt du cultivateur. Spescaritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Espèce Caritas Kawanyana de l'Ouest vers le nord du Burundi où les agriculteurs de la province de Kirundo demandent au gouvernement de collecter dans les prix brefs délais des maïs sur le prix récemment fixé conjointement par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui est de 1700 francs burundais. Ils indiquent que les commerçants sont en train d'en profiter en achetant le kilo de maïs entre 1000 et 1200 francs burundais. Et le gouverneur de Kirundo, Victor Segasago, met en garde tous ces commerçants qui achètent ces productions à un prix inférieur à celui fixé par le gouvernement de Kirundo. Nous appelons Abraham Safari. Dans les descentes effectuées par le gouverneur de Kirundo, colonel de police Victor Segasago, pour s'enquérir des doléances de la population, certains ont soulevé leurs inquiétudes liées à l'achat des maïs par les commerçants. Les agriculteurs signalent qu'ils ont besoin de l'argent pour acheter les intrants agricoles pour la prochaine saison, raison pour laquelle ils sont obligés de vendre le maïs à un prix inférieur à 1700 francs le kilo. Ils demandent à cet effet à l'administration de collaborer avec les commerçants afin d'acheter sur le prix fixé par le gouvernement du Burundi. Ici, le gouverneur de Kirundo, Victor Segasago, met en garde tous les commerçants qui veulent profiter en raflant la récolte du maïs pour le prix inférieur inférieur à celui fixé par le gouvernement. Cette autorité demande à la population de pointer du doigt à ces commerçants profiteurs afin de les sanctionner exemplairement. Signalons que ces agriculteurs précisent que ces commerçants achètent le kilogramme de maïs entre 1000 et 1200 francs. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio. Merci Abraham Safari de Kirundo Cap sur la province Kayanza où la direction provinciale de l'éducation se dit satisfaite de se classer parmi les trois premières places dans l'examen d'État édition 2022-2023. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation, appelle toutes les parties prenantes en matière de l'éducation à toujours améliorer les prestations chacun, ce qui la concerne. Toutefois, les enseignants à Kayanza disent que les classes pléthoriques et la surcharge dans les programmes d'enseignement restent les défis majeurs dans l'amélioration du rendement scolaire. Le point avec Patrick Senguiyumba. Au début de l'année scolaire 2022-2023, le gouverneur de la province Kayanza a tenu une réunion à l'intention des responsables scolaires à tous les niveaux où il leur a demandé de se fixer l'objectif et de se classer parmi les trois premières places dans les examens nationaux. La province scolaire de Kayanza s'est ainsi classée troisième dans l'examen d'État édition 2022-2023. Au niveau de la direction provinciale de l'éducation à Kayanza, on dit se réjouir de cette réussite. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, demande à tout un chacun parmi les intervenants dans le secteur éducatif dans cette province de redoubler les efforts pour sauvegarder cette place. À toute fin, certains des enseignants font savoir que les classes pléthoriques, les programmes d'enseignement mal conçus sont certains des défis majeurs auxquels ils font face dans l'exercice de leur métier d'enseignement et demandent qu'ils soient relevés. Nous avons à gérer plusieurs programmes de plusieurs niveaux, de plusieurs sections. Grande question que nous rencontrons, c'est que souvent les ressources requises pour évoluer, pour aller dans le palier suivant, font défaut. Les prérequis aussi, font défaut. Les préacquis aussi, les apprenants, ils tirent pour avancer. Quelquefois, ça fait défaut. Ce qui vraiment nous donne des fils à retordre. Souvent, on doit trouver un autre support qui est adapté parce que le support qu'on a, quelquefois, ne correspondent pas au niveau de nos élèves. Nous avons des méthodes qu'il faut adapter, quelquefois, les différencier. Nous avons des contenus aussi, ces moments qui sont lacunaires ou incomplets. Faisons face à beaucoup de défis. Par exemple, il y a des classes de pléthoriques qui font mal aux enseignants. Ces enseignants sont surchargés presque pendant plus de 24 heures, même 30 heures, alors qu'ils devaient occuper seulement 18 heures ou 20 heures tout au maximum. Il y a aussi le surchargé des programmes, j'ai de longs programmes où on éprouve des difficultés à achever ces programmes. Il y a aussi un défi au niveau des salaires, le salaire qui reste toujours maigre. Signalons que la commune scolaire d'Ogatala en province Kayanza s'est classée première au niveau national dans l'examen national édition 2022-2023, selon le classement récemment rendu public par le ministère et à l'éducation dans ses attributions. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva. Point final à cette édition en langue française. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle qu'une prison à vie, et l'interdiction des droits civiques sont certaines des peines qui ont été prononcées ce samedi par le tribunal de grande instance de Makamba contre un agent de police accusé d'avoir violé une fillette de 6 ans. Vous avez eu les détails avec notre correspondant et les Burundais sont appelés à se réconcilier pour avoir une vision commune d'un pays émergent en 2040. Il s'agit des propos du président du Conseil national pour l'unité nationale. C'était ce samedi, après 33 ans, après de la charte de l'unité nationale du Burundi. Et les propriétaires des parcelles dans les quartiers urbains non viabilisés sont obligés de laisser des espaces pour les travaux de construction des routes afin de permettre la perméabilité des quartiers. C'est un rappel de l'administrateur de la commune urbaine de Mouha. Et certains quartiers de la ville d'Urmong font face au manque d'eau potable depuis 3 jours. Au niveau de la régie des eaux centrales Urmong, on informe qu'il s'agit d'un problème qui a été causé par les crues de la rivière Dama. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la parfaite collaboration technique d'Alphonse Koubguiman. Au micro, vous étiez avec Placide Niomungere. Mais après ce journal, vous aurez droit à la revue de la presse avec Jean de Dieu Irakosé et Francine Ndihokubwayo. Au revoir. Bonjour ou bonsoir. Disparité dans l'octroi des frais de documents pédagogiques, constate la voix de l'enseignant. Notre confrère rapporte que dans d'autres services, le matériel de travail est distribué et qu'il a fallu des négociations avec le gouvernement pour que l'enseignant puisse avoir le matériel de travail. À part que ces frais dits de documents pédagogiques diffèrent d'une province scolaire à une autre, ils sont également insuffisants vu le nombre de documents pédagogiques exigés, regrette notre confrère qui cite les propos d'un enseignant œuvrant dans une des écoles de la direction provinciale de la mairie. Ce dernier a souligné dans les colonnes de ce journal que les frais accordés pour ces documents varient selon les directions provinciales, mais aussi qu'ils sont insuffisants car leur distribution ne tenant pas compte des prix sur le marché. Quoi qu'il en soit, le ministère de l'Éducation est appelé à revoir à la hausse ses frais pour les adapter au prix de vente sur le marché, de les débloquer juste au début de chaque année scolaire et de vérifier si tous les enseignants reçoivent le même montant sur tout le territoire national, conclut cet hebdomadaire de l'Éducation. Les jus et friandises devant les écoles, un danger qui guette les enfants, alerte Iwatch. En effet, l'un des vendeurs rencontrés par notre confrère sur la ruelle qui passe en bas du lycée technique La Colombe, dans la zone urbaine de Kanyosha par exemple, a estimé que le jus n'est bon que quand il est frais, surtout sous la chaleur de midi, et que les jeunes le préfèrent frais. La fabrication, c'est notre secret, a-t-il déclaré. Un parent approché par ce confrère a informé qu'il s'agit des jus obtenus à partir des poudres que ces vendeurs mélangent avec l'eau avant de les mettre au frais et que ce qui inquiète le plus les parents, ce sont ces poudres utilisées puisqu'ils ne savent pas si elles sont certifiées ou non. Il doute aussi de la qualité de l'eau utilisée dans ce mélange. De son côté, poursuit son confrère, la direction de l'école La Colombe a avoué être dépassée et que la question avait été déjà soumise auprès de la hiérarchie sans qu'elle puisse trouver de réponse. En conclusion, il indique que les parents ne voient pas cela d'un bon œil et disent que ces friandises n'apportent rien de bon chez les enfants. Revue de la presse. Gogne des bouchers de porc au marché de Nyabiraba, apporte l'agence burundaise de presse. En effet, dans un entretien accordé à l'ABP, ces bouchers ont indiqué qu'ils ne disposaient pas de hangar d'étalage de viande et leurs confrères bouchers de vaches ne leur permettaient pas de vendre la viande de porc à côté de celle des vaches. Ils réclament ainsi des places bien couvertes afin que leurs clients puissent s'approvisionner même quand il pleut. L'administrateur de la commune Nyabiraba, joint par notre confrère par téléphone, a tranquillisé ces derniers qui seront parmi les bénéficiaires des places au nouveau marché moderne en reconstruction, conclut l'agence burundaise de presse. Florence, rescapée d'électrocution, rapporte Yaga qui traduit ce fait en langue nationale, Yahoo Yenuruva Gusenya. Notre confrère rappelle que mardi 30 janvier, Florence Nshimilimana se rendait au travail comme à l'accoutumée. Arrivé au niveau de l'école internationale de Bujumbura, il a eu le malheur de piétiner dans une flaque d'eau vu qu'il avait abondamment plu pendant la nuit, poursuit notre confrère. En effet, une vague de courant a traversé son corps et il est tombé et a perdu connaissance. Il a été transporté à Kira Hospital où il a reçu les premiers soins et a été acheminé aux urgences de l'hôpital Roi Khaled, où les factures sont plus ou moins abordables. Notre confrère indique en outre qu'en dehors des cas d'électrocution déjà constatés par Ayaga en 2018, à Kanyosha, où trois cas avaient été enregistrés, en 2022, à Nyabihanga, où un enfant avait été électrocuté, il s'observe des fils dénudés qui sortent du sol, ce qui n'est pas sans danger. Maintenant, puisque ces cas sont connus depuis quelque temps, avec ce qui vient d'arriver à Florence, les regards se tournent vers la régie des eaux avec une seule question. Que faites-vous pour qu'il n'y ait plus jamais ça ? Conclut ce confrère de la communauté des blogueurs YAG. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse et vous a été préparée et présentée par Jean de Dieu Irakodze et Francine Ndiokugayo. À la prochaine. Revue de la presse.